Prépare-toi, back it up, mal poids. Âme sensible sous le choc. Ta poum poum, mange ton short. Brennan sa conci, ou ka fuck, wow. Yen ki badman nan kaye la sa gay show. Femme en string ka manje koyo. Mi love fat keket, ou ka ba mwen mal tête, ou ka fe mwen ba. NSI boss ina mi yet. Pa vini tes ou ke mon net. Coco a dwet. Mi love fat keket, ou ka ba mwen mal tête, ou ka fe mwen ba. NSI boss ina mi yet. Pa vini tes ou ke mon net. Coco a dwet. Down à Califouchon, pussy clean, y pas ni bouton. Mi love yo, pussy qu'on pelle Louis Vuitton. Manca plongé en sac, on lance mi-temps. Galipette, solibo, qu'on décochon. La ni sexe, la ni de l'eau, la ni torchon. Voisine Landy, nous fouvrier, nous colson. Madame, je suis un gentil garçon. Mi love fat keket, ou kaba mwen mal tête, ou ka fe mwen ma. NSI boss, y na mi yet. Pa vini tes ou ke mon net. Coco a dwet. Ket. Ou kaba mwen mal tête, ou ka fe mwen ma. NSI boss, y na mi yet. Pa vini tes ou ke mon net. Coco a dwet. Ou gade mwen ou di mwen volontiers. Viens, on va danser. En nous coller, qu'on si nous cimenter. Je vais te violenter. Ok baby, pa fe mwen patienter. M'en désorienter. Fais mwen goûter bon dame en Jacques là, la bête bien pimentée. Drive up, boom boom, je te laisse faire. Batché y'en les mains con GSXR. SEXPER, c'est ce que t'espères. M'enseignant expert con Dexter. Bat keket, ou kaba mwen mal tête, ou ka fe mwen ma. NSI boss, y'na mi yet. Pa vini tes ou ke mon net. Coco a dwet. Ou kaba mwen mal tête, ou ka fe mwen ma. NSI boss, y'na mi yet. Pa vini tes ou ke mon net. Coco a dwet. Prépare-toi, back it up. Ta poum poum, mange ton short. Brennan sa conci, ou ka fuck, wow. Me love fat keket.